Offside. Offside. Offside, c'est le son que t'aimes. Même dans ta grosse caisse, c'est le son que t'aimes. C'est le son que les jaloux détestent. Dis-nous qu'elle t'y peut nous aider. Les stupes me suivent, partout je vais, je me sens suivi. Rien que de la merde, tout ce qu'on vit. Beaucoup pris pour rester en vie. À fumer, c'est la crise. DDT qui fait surprise. Oh, les apparitions se font la nuit. XV2 dealer, devant personne enfuit. Pour le rap français, beaucoup l'ont mise. Pour nouveau départ, je pars en guerre que pour ma ville. Pas de bise après un verre de whisky, c'est la crise. DDD, je fonce, dès après, fumeux, c'est la crise. Café noir foncé, c'est pas pour les français. C'est pas un rap sensé, tout le monde sait à quoi je pensais. DMS, on me tempête dans le rap, tout le monde s'est pressé. Comme devant poulet braisé. J'te baise et ça c'est vrai, j'te blesse et ça se fait. Tiki check. La noire sale est insolite et décide à tout niquer. Comprends dans ma tête ce que t'es pas bien veut. T'as tourné doigt la rue, tu nous as dé. Toujours présent quand je t'en ai pas perdu sur ma rue. T'es des bonhommes à l'habitude, les attitudes ne changent pas, ne t'étonne pas. Si tu n'y arrives pas, pour toi ton film de cul ce soir on passe à 20. Cœur en électrique, t'attends, on va essayer vu grave tous les pointeurs. On en a rien à foutre de la 5ème République. Je veux pas voir du bois des homos galoches en public. Sans rancune, Dieu le dit, on est les best. Quand signe des autographes, c'est sur des boulettes, des posters. Ce trône nous appartient, personne pourra nous arrêter. Sortiront de leur barquette, de leur cercueil quand on s'en ira. Depuis notre naissance, on clame notre innocence. Insolide, Northside, qu'est-ce que la concu France en pense? Insolide, Northside, c'est le son que t'aimes. Même dans ta grosse caisse, c'est le son que t'aimes. C'est le son que les jaloux détestent. Dis-nous quel MC peut nous dire. Insolide, Northside, c'est le son que t'aimes. Même dans ta grosse caisse, c'est le son que t'aimes. C'est le son que les jaloux détestent. Dis-nous quel MC peut nous dire. Au pied de biche, viens forcer toutes les portes. Mettre un coup de crosse au boss. Motherfuck, RAM, BBB, banlieue nord, CDDD, da. Un coup de barre, un coup de gaz, je me casse. Orange Rove, ok, check, pousse-toi. On tire, on réfléchit après, me demande pas pourquoi. À Saint-Grat, si on a le vice, on te viscère. Les gueux nous harcèlent, c'est le son que t'aimes. A 4 sur un beat, t'as mal à la chatte, gros, grosse pucelle. La peau, on la veut comme un tueur à gage. Nous ici, on s'engage. Sur la RDR, en complète sur un Z, crâne rasé, poule à Z, XV2, gros Northside, c'est nous, insolite, c'est licite, pas encore sur site. On nous félicite quand même. J'baise les caisses claires, c'est clair. Na, me, c'est le nouveau départ. Écoute le son que t'aimes, faut demander à DMS. Boy, c'est de la pure. C'est d'un gros coup de pas. Pour ta fille, j'avais la flemme, à présent j'ai la haine. Pour rappeler jamais la flemme. Rien pour qu'un 22, aucune pitié. Comme les émeutiers, tout ce qu'il faut. Pour baiser tous les faux avec mon flow. C'est 9-5-2-1-0. Le kiff c'est les euros. Insolide, Northside, c'est le son que t'aimes. Même dans ta grosse caisse, c'est le son que t'aimes. C'est le son que les jaloux détestent. Dis-nous quel MC peut nous aider. Insolide, Northside, c'est le son que t'aimes. Même dans ta grosse caisse, c'est le son que t'aimes. C'est le son que les jaloux détestent. Dis-nous quel MC peut nous aider. Insolide, Northside, c'est le son que t'aimes. Même dans ta grosse caisse, c'est le son que t'aimes. C'est le son que les jaloux détestent. Dis-nous quel MC peut nous aider. Northside, c'est le son que t'aimes. Même dans ta grosse caisse, c'est le son que t'aimes. C'est le son que les jaloux